La voix du ciel est comme l'ouvrier en arc, qui abaisse ce qui est élevé, et élève ce qui est bas, qui ôte le superflu, et supplée à ce qui manque. Le ciel ôte à ceux qui ont du superflu, pour aider ceux qui n'ont pas assez. Il n'en est pas ainsi de l'homme. Il ôte à ceux qui n'ont pas assez, pour donner à ceux qui ont du superflu. Quel est celui qui est capable de donner son superflu aux hommes de l'Empire? Celui-là seul qui possède le Tao. C'est pourquoi le saint fait le bien et ne s'en prévaut point. Il accomplit de grandes choses et ne s'y attache point. Il ne veut pas laisser voir sa sagesse.